Comme chaque mardi, nous parlons de planètes, d'univers et aujourd'hui de matière noire. La gravité n'en finit pas de nous plonger dans la perplexité. Malgré les lois découvertes par Newton et Einstein, l'univers persiste à se comporter de façon mystérieuse. Ainsi, dès 1937, l'astronome suisse Fritz Zwicky découvre une anomalie dans la rotation des galaxies. Les astres situés au bord de ces galaxies devraient être éjectés, or ils ne le sont pas. L'énigme est confirmée 40 ans plus tard, dans les années 1970, grâce à des moyens d'observation plus précis. Pour que les équations de Newton décrivent ce que les astronomes observent, il faudrait que les galaxies contiennent une quantité de matière bien supérieure à celle qui est visible. Une quantité considérable, en fait, puisqu'elle représenterait pas moins de 25% de la masse de l'univers. Cette matière manquante est alors qualifiée de noire, de sombre ou d'invisible. Depuis, les scientifiques la traquent désespérément. Le doute s'installe peu à peu. La matière noire existe-t-elle vraiment? En novembre 2017, une nouvelle idée apparaît. Et si la solution au mystère de la matière manquante résidait dans le vide? Matière noire, et si elle n'existait pas? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour mieux comprendre l'énigme de la matière noire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, et vous avez été sous-directrice du laboratoire de physique de l'École normale supérieure d'Ulm et astronome à l'Observatoire de Paris. Et Georges Mélan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite, ancien directeur du laboratoire d'astrophysique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Françoise Combes, pour bien comprendre le problème de la matière noire, il faut revenir peut-être à cette observation de Fritz Zwicky en 1937 que j'ai mentionnée en introduction. Quel phénomène retient alors l'attention de l'astronome suisse? Oui, alors Fritz Zwicky, qui était suisse en effet, mais il a fait toutes ses observations aux États-Unis. C'était pratiquement un astronome américain, on peut dire. Il a observé surtout les amas de galaxies, donc un grand nombre de galaxies, 1000 galaxies dans l'amas de Coma, par exemple. Et il regardait les vitesses par effet Doppler de ces galaxies par rapport à nous. Et il s'apercevait que pour les maintenir ensemble, il faisait beaucoup plus de masse que la masse que l'on voyait dans ces galaxies, les étoiles et le gaz. Et donc, il y avait un gros rapport, un facteur 100. 100 fois plus de masse était nécessaire pour retenir ces galaxies, sinon elles seraient éparpillées dans tout l'univers. Voilà, pour que la gravité les maintienne. Voilà, un facteur 100. Alors, il faut dire que ce facteur 100 a beaucoup varié dans le temps, puisqu'on s'est aperçu après, dans les années 60, qu'il y avait du gaz chaud à des millions de degrés dans les amas de galaxies, qui était 10 fois plus massif que toutes les galaxies visibles. Donc, on a gagné un facteur 10. Donc, il manquait plus qu'un facteur 10. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'il manque un facteur 6. 6 fois plus de masse que de matière que l'on voit, et dans le gaz chaud, et dans les galaxies, etc. Donc on a un rapport matière manquante sur matière visible qui est un rapport 5 ou 6. Ce qui est considérable. Et quand même considérable. Donc toute cette matière existe parce que on en voit les conséquences dans leur mouvement, et que pour que les lois que l'on connaît soient vérifiées, il faudrait qu'elle existe. Et en fait, voilà, il faut qu'elle existe, et aussi on la cherche un petit peu plus d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu dans les années 80, pendant l'époque de Zwicky, l'époque de la rotation des galaxies, on pensait même qu'il y avait de la matière noire qui était faite de matière ordinaire, comme cette table ici, de protons, de neutrons, etc. Et on s'est aperçu en 1985 que pour former les galaxies, il fallait une matière noire différente de la matière ordinaire. Ça ne pouvait pas être des protons et des neutrons, ça pouvait être une particule exotique qui n'est pas dans le modèle standard de particules élémentaires. Et donc, on s'est mis en 1985 à chercher des particules exotiques qui interagiraient avec les nucléons ordinaires. Alors justement, on va en parler. On va parler des différentes recherches en cours, et en particulier de celle de ces particules. Georges Mélan, donc 80 ans plus tard, on retombe sur la Suisse où se produit une publication de votre collègue André Méder, qui est professeur honoraire au département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'Université de Genève, et qui a publié le 10 novembre 2017 dans un journal spécialisé, The Astrophysical Journal, une théorie qui fait appel à l'invariance d'échelle du vide. Alors déjà, rien que ces trois mots mis ensemble, forcément, pose question. Est-ce qu'il est possible d'expliquer ce phénomène? Voilà. Alors en fait, par invariance d'échelle, on veut simplement dire que lorsqu'une équation est utilisé et que l'on multiplie toutes les distances par un facteur 10, par exemple, eh bien, tout est multiplié par 10, mais l'équation est encore valable. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas caduque par un changement d'échelle. D'où le mot invariance d'échelle. Et puis, ceci se passe en général dans le vide électromagnétique. Par exemple, si vous avez dans la théorie électromagnétique, l'absence de courant et l'absence d'électrons, eh bien, on a aussi l'invariance d'échelle dans le cadre électromagnétique. Donc, l'invariance d'échelle du vide, comme celle préconisée par Meder, Henri Meder, est, elle, liée à l'univers à très grande échelle, où les densités sont très petites. En moyenne, dans l'univers, on a quelque chose comme 10 puissance moins 32 grammes par centimètre cube. C'est donc proche du vide, mais ça n'est pas complètement le vide. Et cette invariance d'échelle, elle était pas présente, elle n'est pas présente dans la relativité générale, dans les équations d'Einstein, et ça dérangeait énormément Einstein. Son fameux facteur lambda induit en fait un manque d'invariance d'échelle. Et c'est plus philosophique qu'autre chose, mais ça dérangeait profondément Einstein, qui a été ensuite suivi dans les mêmes pensées philosophiques, dirais-je, par des gens comme Dirac. Dirac disait aussi en 1927 que toute belle théorie devrait normalement être invariante d'échelle dans les plus grandes échelles possibles pour être le plus général possible. Et ça n'est pas le cas de la relativité générale. Donc on comprend bien l'invariance d'échelle. En revanche, peut-être faut-il expliquer comment le vide peut remplir ce manque de matière noire, puisque c'est l'objet de la publication de votre collègue. Tout à fait. Alors, simplement, le vide ne va rien retenir. La supposition d'invariance d'échelle va introduire dans les équations d'Einstein, de la relativité générale, un terme supplémentaire qui, lui, va supprimer, en fait, par exemple, les effets de matière sombre, les effets d'énergie sombre. Et c'est cette hypothèse de départ, très très en avant dans le processus d'étude de l'univers, qui va faire que cette hypothèse induit des termes supplémentaires dans les équations d'Einstein, les équations de Friedmann, qui sont les équations qui gouvernent le mouvement de l'univers qui lui est en expansion. On le sait depuis Lemaître et Hubble en 1927-1929. Et c'est cette hypothèse qui ajoute un petit terme qui en fait change tous les calculs. Vous parlez de la constante cosmologique. Oui. Françoise Combes. Je veux quand même faire un petit commentaire ici, bien parce sûr. Que c'est une hypothèse en fait. On est sûr, on n'est pas sûr que ce soit vérifié, vu que si l'univers était complètement vide, il n'y aurait pas d'univers en fait. Ce qui crée l'univers, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut qu'il y ait de la matière et de l'énergie pour créer l'univers. Donc l'univers n'est pas vide, et donc même une petite quantité de matière ténue va briser cette invariance d'échelle. Donc ce n'est pas sûr du tout que l'hypothèse faite par André Meder soit valable. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire Georges que Mélan. Les calculs de Meder sont très cohérents, mais sitôt, par exemple, qu'il teste sa théorie dans le cadre des amas de galaxies, dans le cadre des courbes de rotation de galaxies spirales, il y a de la matière. Et donc son hypothèse de départ est peut-être caduque. L'hypothèse de départ serait qu'il n'y a que du vide. Que du vide, voilà. Et donc, comment introduit-il la matière dans cette théorie ? Il ne l'introduit pas. Il prend en compte le fait... Elle est là, donc il n'y a pas à l'introduire. Il prend en compte le fait que l'hypothèse de vide est quand même encore un peu acceptable, étant donné la très faible densité de la matière dans l'univers. Alors, c'est là un point central sur lequel beaucoup de théoriciens vont questionner la théorie de Meder, c'est évident. Quoi. Je ne suis pas du tout, comme disait Françoise Combes il y a quelques secondes, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose de vrai et que tout est réglé une fois pour toutes. Ça va demander en fait des études supplémentaires pour voir vraiment à quel point c'est valable ou non. Françoise Combes, est-ce que, de toute façon, l'hypothèse du vide peut avoir un sens, peut-être même en marge? Mais c'est-à-dire de que le vide, on théorie. S'y est beaucoup attaqué au vide. Par exemple, lorsqu'on a découvert dans l'an 1998 l'énergie noire, c'est-à-dire l'accélération de l'expansion, on s'est aperçu qu'il y avait une constante lambda qui est équivalente à une énergie du vide. C'est ça qu'on appelle l'énergie noire, l'énergie sombre. Et on s'est demandé si cette énergie du vide, comme on connaît en mécanique quantique que le vide, c'est-à-dire zéro énergie, a quand même des fluctuations d'énergie, en plus et en moins, donc qui donne zéro en moyenne, on s'est demandé si ce vide quantique pourrait être la solution de la constante cosmologique et pourrait faire l'expansion et l'accélération de l'expansion. Et on s'est aperçu qu'il manquait 120 ordres de grandeur. C'est-à-dire que le vide quantique, on extrapole avec ce qu'on connaît de la mécanique quantique, est 120 fois plus grand, en puissance de 10, que ce qu'on observe. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qu'était la gravité et la gravité quantique, mais le vide quantique, on prend en compte déjà depuis au moins 20 ans. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Vous écoutez donc la méthode scientifique sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui à la matière noire avec nos deux invités, Françoise Combes, astrophysicienne et professeure au Collège de France, et Georges Mélan, ancien directeur du laboratoire d'astrophysique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc on voit bien la difficulté de cette nouvelle théorie et qui nous permet quand même de renvoyer à tout ce qui a été fait depuis ces observations des années en particulier 70-80 qui ont permis d'affiner ce qui avait été remarqué dans les années 30. Alors aujourd'hui, quels sont les grands axes de recherche en parallèle avec ceux dont on vient de parler avec Georges Mélan et Françoise Combes? Oui, alors on a fait des simulations cosmologiques pour savoir comment se formaient les galaxies et on s'est aperçu que la matière noire avait certaines contraintes pour pouvoir correspondre aux observations. Notamment, c'est de la matière noire froide, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas relativiste lorsqu'elle se découple et qui permet de former les structures. Donc ça, on sait déjà qu'elle doit être massive. C'est pour ça qu'on a ce fameux WIMP que les gens cherchent dans les tunnels et les souterrains. Donc quelque chose de massif et qu'on a cherché, par exemple, au CERN, dans le collisionneur du CERN, oui, LHC. On a cherché, et en fait, on s'attendait à ce qu'elle soit justement de l'ordre de 100 fois la masse du proton. On a découvert le boson de Higgs en 2012. Il est à peu près 100 fois la masse du proton aussi. On a passé cette échelle-là et on est un petit peu en crise parce qu'on n'a pas ce fameux neutralino qui était le meilleur candidat pendant 30 ans et qu'on cherche toujours encore dans les souterrains. Il semble ne pas être là. Et puis la supersymétrie qu'on a inventée parce que le modèle standard ne prévoyait pas de particules exotiques. Donc on a été obligé d'étendre le modèle standard avec une supersymétrie. Chaque particule du modèle avait une super partenaire. Et puis ce neutralino, donc, c'était un super partenaire. Donc le fermion devenait des bosons, etc. Et la supersymétrie n'a pas été vérifiée encore dans le collisionneur du CERN. Donc c'est pourquoi on est vraiment un petit peu dans crise. Mais en fait, les physiciens ont beaucoup de ressources. Il y a encore beaucoup d'autres candidats. Hein. Le principal candidat a disparu, mais il y en a d'autres. Il y a des actions, par exemple. Il y a aussi, un petit peu comme a proposé Meder, on pourrait peut-être se passer de matière noire. Donc il y a depuis 1983, par exemple, Milgrom avait proposé une gravité modifiée. C'est-à-dire que la loi était celle de Newton jusqu'à en champ fort. Et puis dès que le champ devenait faible, on avait une gravité un peu boostée. Voilà, la théorie monde. Et donc ça est encore en cours et donc il y a beaucoup d'hypothèses, hein. J'en ai mentionné deux ou trois, mais il y a beaucoup d'hypothèses. Georges Mélan, comment vous intégreriez cette nouvelle piste de votre collègue dans le champ des recherches actuelles? Alors, je dirais que c'est une piste intéressante, même si elle est critiquable dès le départ. Quand je suis arrivé en 1985 à Berkeley, je me rappelle avoir entendu une conférence d'un physicien astronome français qui nous disait, vous savez, nous allons faire une expérience qui va découvrir ces fameuses particules de matière noire. Attendez un ou deux ans et tout sera réglé. Et en fait, on est 30-40 ans plus tard et rien n'est réglé du tout. Dans le début des années 2000, il y a eu en fait des revues qui disaient « si dans quelques années on ne trouve pas ces particules, il faudra en fait passer à l'étape peut-être de changer de théorie ». Et c'est en fait ce que fait André Meder. Il étudie en fait une nouvelle forme des équations d'Einstein, des équations de Friedmann, pour essayer de faire avancer, de répondre à ces questions fondamentales. Alors, il y arrive partiellement. Il y a quantité de tests qui sont des tests standards de la cosmologie que la théorie d'invariance d'échelle vérifie tout aussi bien. Par contre, il y a une pierre d'achoppement dans le futur qui va être ce dont parlait François Combes il y a quelques minutes, c'est le fait que au tout début de l'univers, nous avons besoin en fait de matière noire pour que la structuration de la matière dans l'univers se fasse, qu'il y ait tout à coup des étoiles qui se forment, des filaments, des galaxies, des amas de galaxies. Et cette vérification n'est pas encore effectuée dans le cadre de la théorie de Médère. Alors Françoise Combes, comment vous jugez cette nouvelle théorie, oui, et comment peut-être la raccorder à cette recherche inverse, soit on cherche les particules, soit on estime que le vide joue un rôle plus important que prévu. Oui, en fait, ça fait partie, moi je pense, de beaucoup de tentatives depuis les années 98-2000, où on a découvert cette accélération de l'expansion. Les gens se sont vraiment, il y a eu un déclic, parce que la théorie de Milgrom de Monde, depuis 1983, elle était un peu tombée, les gens disaient, bon, ça marche pas complètement, ce n'est pas, on va pas me remettre en cause la théorie d'Einstein, c'est un tabou. Et puis dans les années 98, le tabou a été envolé parce que on s'est aperçu qu'il y avait une constante cosmologique qui correspondait pas du tout au vide quantique, donc il y avait un ajustement fin à faire et ça n'allait pas du tout avec la théorie d'Einstein. Donc il fallait de toute façon la modifier. Alors il faut la modifier dans le sens un petit peu inverse de la matière noire, c'est-à-dire qu'il faut dégraviter. Il faut une gravité plus faible parce que l'énergie noire est quelque chose qui a une force répulsive. Donc il faut moins de gravité, alors que pour la matière noire, il faut plus de gravité. Donc il y a beaucoup de théories qui se sont mises à prendre des théories variables, qui rajoutaient un terme à l'équation d'Einstein, par exemple F2R, le Ricci a changé. Donc là, ça, je n'ai pas assez d'une heure pour défaire toutes ces théories, parce qu'il y a des théories à champ scalaire, avec des galiléons, avec des cosminons, enfin... Oui, tout un langage très poétique, par ailleurs, pas forcément très perceptible, mais voilà, poétique. Mais on change, depuis 17 ans, on change beaucoup l'équation d'Einstein, ça c'est énorme. Alors justement, dans cette équation d'Einstein, il y avait quand même la constante cosmologique qui a posé un problème déjà à Einstein lui-même. Voilà, Einstein n'y croyait pas. Il disait que c'était la plus grande erreur de sa vie parce que il avait rajouté cette constante pour faire un univers statique. Et juste après, parce Hubble... que sans cette constante, l'univers s'écrasait sur lui-même. Ou alors s'expandait. Non, voilà. L'un ou l'autre. Ça dépendait. Donc ça correspondait pas à l'image de l'univers que l'on avait à l'époque. Il aimait avoir quelque chose de statique, Einstein, vraiment conservateur. Et puis Hubble a montré qu'il y avait une expansion de l'univers, et donc c'était plus la peine de lambda parce que l'équation sans lambda avait une expansion de l'univers. Donc finalement, lambda est égal à zéro pendant des années, pendant près d'un siècle. Et puis cette révolution en 1998, on s'est aperçu que l'expansion n'était pas décélérée comme elle faisait s'il y avait de la gravité, mais elle s'accélérait, c'est-à-dire qu'il fallait une force négative, répulsive, d'où une énergie du vide. Et là, il fallait changer la gravité. Donc, depuis 17 ans, la gravité, elle est changée à tire-larigot aussi. Donc ça, c'est quand même une histoire extraordinaire, cette constante, puisqu'elle a beaucoup, elle a eu des aventures très très variées, soit apparaître pour la circonstance, comme Einstein l'a fait pour arranger un petit peu le résultat qu'il avait à l'époque, soit ensuite la supprimer, ensuite la réintroduire. C'est quand même une histoire assez exceptionnelle, Georges Mélan. Oui, tout à fait. J'aimerais souligner en fait que Einstein, au moment où il écrit ses équations en 1917, n'a pas vraiment à disposition d'évidence observationnelle pour une expansion ou une contraction de l'univers. C'est quelque chose d'extrêmement incroyable pour l'époque et il le considère comme une erreur dans ses équations, d'où cette invention de la constante cosmologique pour stabiliser son univers et empêcher un effondrement ou une expansion de l'univers. Et puis, quelques 10 ans plus tard, en 1927, c'est Lemaître qui le premier va mettre en évidence calculer pour la première fois la valeur de la constante de Hubble, dite de Hubble. Il va mettre en évidence cette expansion de l'univers. Et puis Hubble, 2 ans plus tard, va lui voler tous ses résultats, sans citer du tout le maître. Et il va en fait en tirer toute la gloire. Aujourd'hui, on ne parle essentiellement que de Hubble et pas de le maître. Donc c'est pour ça que le télescope s'appelle Hubble et non pas le maître. Exactement. Alors justement, on va quand même revenir à ces particules qui sont l'une des voies de recherche, on l'a bien compris, pour essayer de percer ce mystère de la matière noire. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des particules qui existent et qui soient très lourdes pour pouvoir assurer 75%, 25% de la masse de l'univers, mais en réalité beaucoup plus si on tient compte de l'énergie. On y reviendra. Et alors, pour illustrer ces recherches, nous avons été dans un laboratoire pour voir ce laboratoire, donc qui s'appelle le laboratoire Astroparticules et Cosmologie, pour voir quelles sont les recherches sur les différentes candidates à ces particules. Alors c'est Céline Lausanne qui nous a emmenés là-bas et qui va nous donner un petit peu l'introduction de son reportage. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous. Alors oui, parmi les particules théoriquement candidates, il y a les WIMPs. Ce sont des particules qui interagisseraient faiblement avec la matière classique. Je suis allée voir David et Franco qui travaillent sur l'expérience DarkSide. Alors DarkSide, c'est le projet qui vise à construire une expérience pour observer directement les WIMPs. Alors pour le moment, aucune des particules n'a pu être observée, mais les chercheurs ont l'espoir d'y parvenir en améliorant le dispositif dans les années à venir. Nous faisons qu'est-ce que s'appelle la recherche directe des matières noires. Donc nous allons chercher des collisions, des interactions de particules, en particulier en cherchant les WIMPs, de Weak Interactive Massive Particles, sur une cible d'argon liquide. Et avec cette technique en particulier, nous cherchons deux types de signal en même temps, un signal d'excitation, de scintillation et un signal d'ionisation. Donc, il s'agit d'une technique qui s'appelle double phase en liquide argon parce qu'il y a une petite couche en eau d'une phase gazeuse où nous recherchons la partie de ionisation. En fait, au niveau expérimental, on dispose d'une chambre où il y a de l'argon liquide et on cherche des traces qui signeraient la présence de particules qui interagissent très faiblement avec la matière classique. Oui, alors l'expérience est dans une montagne, parce que doit être souterrain pour être protégé par les rayons cosmiques, et en Italie, donc dans le laboratoire de Gran Sasso. L'expérience, en ce moment, il est en train de prendre des données, et nous faisons ici l'analyse des données et aussi la simulation des données, parce que nous avons besoin vraiment de comprendre les détails et comment s'agit l'interaction dans notre détecteur et faire une comparaison entre les simulations et les données lui-même. En particulier, ici, nous avons fait toute la modélisation de le bruit, en faisant aussi la recherche des WIMPs à très basse masse. Alors, ça, c'est typiquement un exemple de WIMP. Donc, il y a une première pulse qui est comme ça, une deuxième pulse. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? Qu'est-ce que nous mesurons? C'est nous comptons le nombre de photoélectrons. En particulier, nous les comptons avec des photosenseurs qui traduisent la lumière en charge. Et donc, nous mesurons la charge liée à les photons, donc produits ou induits par les photons. Et donc, grâce à ça, nous savons combien de lumière était produite et quel est le temps d'émission de la lumière. Donc, il était émis pendant un certain temps, et plus est long ce temps, et plus nous savons que c'est produit par une réaction de type plutôt nucléaire. La mesure du temps est très importante ici. Exactement, nous sommes sur une échelle des nanosecondes. Alors, typiquement, une des problématiques liées à l'argon, c'est que l'argon est extrait dans l'atmosphère. Donc, dans l'argon liquide extrait par l'atmosphère, il y a une contamination plutôt élevée, c'est à un niveau de 1 becquerel, donc 1 événement par seconde par kilogramme d'argon. Et donc, ça, c'est un grand problème. La solution de DarkSide à trouver, c'est d'extraire l'argon du sous-sol. Et en cette manière, ça était déjà, comment dire, protégé par les rayons cosmiques. Et nous avons mesuré, en ce cas, que la quantité d'argon 39, qui est le bruit principal, est d'un facteur 1400 moins que dans l'argon atmosphérique. Ça, c'est un exemple. Nous avons pris 50 jours de données avec l'argon 39, donc l'argon atmosphérique. Et ici, il y a 15 millions d'événements d'argon 39. Et nous cherchons dans cette région en eau, ça c'est l'estimateur pour la discrimination de la pulse, de l'impulse. Et donc, il y a zéro événement sur 15 millions d'événements de arc entre neuf dans la région où nous cherchons les WIMPs. Ça est équivalent à 20 ans de recherche avec l'argon excès en souterrain. Donc, il veut dire qu'avec la même contamination, elle est équivalent de 20 ans de la recherche. Donc, avec cette découverte que l'argon underground, souterrain, déplite, donc il y a une facture de réduction de l'argon 39, c'est vraiment l'argon maintenant, il a un potentiel énorme dans la recherche des matières noires. Quelles seront les perspectives de DarkSide dans l'avenir? Alors, en ce moment, les résultats de DarkSide sont extrêmement bons, donc toute la communauté scientifique qui travaille sur le liquide argon pour la recherche des matières noires a décidé de participer à la prochaine future de DarkSide qui s'appelle DarkSide 24, donc avec 20 tons d'argon liquide, donc en particulier le projet RDM qui est suisse-espagnol, le projet DEEP 3600 qui est un projet canadien-américain et MiniClean, ils ont décidé avec DarkSide de participer à la prochaine phase de DarkSide et nous allons construire un détecteur de 20 tons pour un projet final de plus ou moins 300 tonnes de détecteurs. Donc voilà ce reportage pour ce qui est de la détection des WIMPs. Céline Lozen, en fait, pour l'instant, pas de signal véritablement détecté. Oui, non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui est très performant, qui est prévu pour l'observation, mais actuellement aucune donnée significative. Mais en tout cas, le projet va être prolongé puisque c'est une mission internationale. Et donc on voit bien que l'argent sera mis pour augmenter les efforts et donc les probabilités d'observer ces particules WIMPs. Alors peut-être une réaction, Françoise Combe, beaucoup d'efforts, mais on avance quand même un peu dans le noir. C'est-à-dire, oui, on en fait, sait pas... on avance beaucoup, c'est-à-dire qu'on a quand même gagné 10 ordres de grandeur sur la section efficace d'interaction de ces WIMPs avec les noyaux. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à montrer qu'elles n'étaient pas là, ce qui est énorme. Et donc, on va arriver peut-être à un point où on sera sûr qu'ils ne sont pas là. Oui, parce qu'en fait, on va atteindre un plancher. Alors, ce plancher, c'est l'interaction avec les neutrinos du Soleil. Les neutrinos vont maintenant, à ce niveau-là de faiblesse de l'interaction, ils vont interagir avec les noyaux du détecteur et ça va devenir un télescope à neutrinos, en fait. Et donc, on va être noyé par la détection avec les neutrinos. Alors, si c'est trop faible, on ne pourra plus détecter la matière noire. Donc, on va arriver à ce plancher bientôt. Qu'est-ce qu'on en déduira? Est-ce qu'on déduira que la matière noire n'existe pas ou que c'est pas la bonne voie pour la trouver? C'était pas la bonne voie, c'est-à-dire que c'était pas des WIMPs. Alors il y a d'autres solutions. Hein. Il peut y avoir des actions beaucoup plus faible masse. Maintenant, ça a élargi un petit peu le domaine de masse à chercher. On était sur cette masse de l'interaction faible qui était privilégiée. En fait, c'était presque un miracle que ce neutralino avait exactement la masse électrofaible, etc. Maintenant, on va chercher un peu partout. C'est-à-dire qu'on va explorer de 10-5 électronvolts à 10-12 électronvolts. C'est-à-dire 15 ordres de grandeur en puissance de 10 en masse. Alors que là, on était braqué sur une masse en particulier. Donc lorsque celle-ci sera éliminée, on pourra chercher autre chose. Georges Mélan, comment vous réagissez à cette démarche scientifique qui est très, très particulière, d'une certaine façon? Très similairement à Françoise Combe, en ce sens que tout résultat négatif est une indication scientifique, même si c'est peut-être pas très satisfaisant et moins enthousiasmant qu'un résultat positif. Ça permet simplement de montrer qu'il n'y a pas à chercher seulement dans un domaine, mais dans des domaines beaucoup plus larges où peut-être que ces fameuses particules se cachent. Et j'aimerais souligner juste le fait que WIMPs veut dire Weakly Interactive Massive Particles, et ce qui veut dire aussi mauviette en anglais. Donc c'est on voit bien l'ironie qui se cache là derrière, elle nous joue de mauvais tours depuis des décennies, ces WIMPs. Alors il y a quand même aussi les SIMP qui sont, elles, des Strongly Interactive Massive Particles, qui donc, sont peut-être moins weak que celles que vous citez. Est-ce que on est quand même dans un domaine, dans une démarche qui ressemble à celle du boson de Higgs, dans le sens où on part d'une observation et puis d'une équation, d'une formule qui tente de refléter la réalité, et à cause d'un manque dans une formule, on cherche une particule qui pourrait répondre à la question. Est-ce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais il semblerait qu'il y ait une différence importante en matière de cible, au fond, de ce que l'on cherche, Françoise Combes. Oui, en fait, le boson de Higgs, c'était le modèle standard. En fait, on s'attendait à cette particule depuis très longtemps, et on s'attendait parce que il y avait une façon d'exprimer le fait que certains bosons, qui sont des particules de l'interaction, aient une masse, alors qu'ils ne devaient pas en avoir. Il fallait qu'il y ait un boson de Higgs qui leur donne une masse. Donc c'est une particule qui est très instable, hein, ça dure des nanosecondes, mais son existence fait que les autres particules ont une masse. Et ça, c'était le modèle standard. Donc on a vérifié le modèle standard. Là, ce qu'on cherche maintenant, c'est quelque chose en dehors du modèle standard. C'est pour ça que l'imagination est débordante. Moi, je pense que il y a aussi une piste qui est beaucoup suivie actuellement. Ce sont une matière noire qui n'est pas complètement froide mais tiède, parce que la matière noire chaude ne marche pas du tout. Donc tiède, ce serait des neutrinos qu'on appelle neutrinos stériles parce qu'ils ne sont pas actifs comme les autres neutrinos et qui sont d'une chiralité qui n'est pas gauche, comme tous les neutrinos que l'on connaît. Donc la chiralité, c'est le spin qui tourne, voilà, par rapport à le sens de rotation du spin. Et là, il serait par symétrie. C'est quand même satisfaisant qu'il y en ait d'autres qui soient de chiralité droite. Et donc, on fait l'hypothèse que ces neutrinos existent. D'ailleurs, les neutrinos ont une masse, on le sait, alors que dans le modèle standard, il n'y avait pas de masse. Donc, il y a quand même quelques surprises à avoir. Et donc, on pourrait s'attendre par symétrie à avoir ces autres neutrinos. Alors, ces neutrinos, ils auraient une masse de quelques kiloélectronvolts. Donc, c'est quand même 1000 fois moins que ces WIMP. Mais ça pourrait quand même tenir le coup pour la formation des galaxies, etc. Donc ça, c'est une piste encore parmi d'autres à explorer. Alors là, on sent quand même que les équations et les travaux précédents ont un poids important, c'est-à-dire que l'on cherche dans la nature ce qui peut permettre de valider les équations que l'on connaît. Et effectivement, la théorie monde, d'ailleurs, va dans ce sens-là, en essayant de modifier les équations, qui est l'autre piste, au fond, que l'on peut imaginer pour sortir de cette situation de déséquilibre entre la théorie et l'observation, Georges Mélenchon. Tout à fait. En fait, la grande différence entre la recherche du boson de Higgs et la recherche de ce qu'est la matière noire, c'est que le boson de Higgs était prévu et c'eût été une énorme surprise si on ne l'avait pas découvert. D'ailleurs, on l'a découvert assez rapidement. 60 on n'a pas mis. Non, sitôt que LHC avait l'énergie nécessaire, on l'a trouvé. Il fallait simplement construire les instruments pour. Alors que là, en fait, dans le cadre de la matière noire, on ne sait pas trop ce que l'on cherche. On sait qu'il faut étendre le modèle standard à quelque chose qui soit complémentaire par rapport à ce qu'on observe. Les neutrinos ont des matières, on a de la masse, alors qu'en général, dans le modèle standard, ils n'ont pas de masse. Donc il y a tout un contexte qu'il faut élargir, d'où le flou au niveau, par exemple, de la prédiction des particules qui pourraient être des candidates pour la matière sombre, le flou dans le cadre de très nombreux modèles comme ceux de MEDER. Il y a une inventivité chez les scientifiques qui donne libre cours à quantité de travaux parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction où aller. Alors l'une de ces éventualités, une de ces imaginations, c'est celle qui concerne la gravité. Parce qu'au centre de tout ce dont on parle aujourd'hui, et finalement il y a ce phénomène de la gravité qui est loin d'être le mieux connu, le plus maîtrisé par les physiciens ou les astrophysiciens aujourd'hui. Donc il s'agit d'Éric Verlaine qui lui a une autre approche et qui concerne justement la source de ce problème, la gravité, Françoise Combes. Oui, la gravité émergente, donc c'est une formidable idée aussi. Un petit peu comme toutes les autres idées proposées actuellement, elle marche pas encore complètement, mais c'est une idée qui est très très novatrice, je trouve, et qui rejoint Monde, en fait. Elle reproduit la modification de la gravité au niveau des galaxies que Monde a vérifié parfaitement. Alors, le Monde marche très bien pour les galaxies, mais ne marche pas du tout pour les grandes échelles et le début de l'univers. Donc, il y a un manque, déjà. Mais là, il propose que la gravité n'est pas une force comme les autres, mais c'est en quelque sorte un résultat de l'entropie qui varie d'une certaine façon. Donc l'entropie, donc, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est l'information, surtout. L'information, ça rejoint un peu l'information quantique. On avait vu que dans un trou noir, par exemple, sur la surface d'un trou noir, il y avait un manque d'information. Et Stephen Hawking avait bien montré qu'il y avait une évaporation du trou noir et qu'on pouvait prendre toute l'information lorsqu'on fait tomber de la matière sur le trou noir et qu'on perd toute son information puisqu'il ne va plus rester qu'un point, une masse. Et il avait montré que sur la surface de l'horizon, il y avait une information quantique. Quantifié, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bits d'information et qu'on retrouve toute l'information qu'il y a dans le volume, on la retrouve sur la surface. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'informations qu'on le croit. On passe du volume à la surface, donc il y a une dimension qui disparaît. Et c'est cette idée que Verlaine a pris et qui est fantastique parce qu'il arrive à faire un petit peu le lien entre la mécanique quantique et la gravitation. C'est ce qu'on cherche depuis un siècle. Georges Mellor, en effet, c'est le cœur finalement de la problématique qui réside probablement dans cette notion de gravitation. Absolument, absolument. Et c'est effectivement le Saint Graal que l'on cherche depuis plus d'un siècle, c'est en fait une gravitation à l'échelle quantique. La gravitation va bien à l'échelle du système solaire, elle va bien à l'échelle de l'univers, mais elle devient tout à coup caduque à l'échelle extrêmement petite de la physique quantique, et c'est ce qui nous manque actuellement. Ceci dit, j'aimerais faire une petite digression sur un des points de la théorie de Médère. C'est qu'il y a récemment eu une observation extrêmement étrange qui a été publiée dans un papier de Nature. C'est que des scientifiques allemands, essentiellement, ont observé les courbes de rotation des galaxies, et les courbes de rotation des galaxies jeunes étaient très différentes des courbes de rotation de galaxies plus âgées. On parle que de galaxies spirales, là, qui sont en rotation. Et en fait, il y a comme une sorte d'évolution de courbes qui sont à la naissance de galaxies pas du tout plates et qui deviennent petit à petit plates. Et la théorie de Médère, en fait, à ma grande surprise, est capable d'expliquer cette observation récente. Donc on voit que il faut chercher dans toutes les directions, parce que il y a quantité d'inconnus, quantité d'avenues qu'il faut explorer pour essayer d'expliquer quelque chose de cohérent. Oh mon cosmos, ma galaxie, antimatière et longue nuit. Oh mes étoiles, ma voie lactée et mon soleil, rayon dardé. Oh mes comètes, tous mes nuages et ma planète prise en otage. Mes océans, au bleu cobalt, mes continents, mes îles de Malte. Écran capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix. Oh ma ruelle, oh ma maison, d'autres pixels à l'horizon. Oh mon amour et mes amis, oh mes enfants, ma chair, mon sang, oh mon cerveau et mes poumons, mes litres d'eau, oui mon côlon. Mes reins, mon foie, mes testicules, mon estomac, oh mes cellules, mon ADN, mes molécules, oh mes atomes, mes particules, mes électrons, oh mes neutrons, protons et quartz à l'horizon, enfin mes cordes où que je sois, la vie déborde à chaque fois, la vie déborde à chaque fois. À chaque fois. Ma particule élémentaire de Florent Marché sur France Culture à 16h37, où nous parlons en direct aujourd'hui de la matière noire avec Françoise Combes, astrophysicienne et professeure au Collège de France, et Georges Mellan, ancien directeur du laboratoire d'astrophysique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, Françoise Combes voulait réagir au dernier propos. Oui, Georges abordait la découverte à plus grand rachis, c'est-à-dire dans la première partie de l'univers, donc lorsque l'univers est un peu jeune, de galaxies spirales, mais elles sont très massives. Hein. C'est un groupe allemand qui est au Max Planck de Garching qui a trouvé cela. Donc il a regardé des galaxies. Évidemment, comme elles sont lointaines, on ne peut pas regarder les petites, les naines. Donc ce sont des très massives. On sait très bien que les galaxies spirales massives n'ont pas de matière noire dans leur disque optique. Donc ils ont regardé avec l'optique, donc les rayons optiques, quelque chose où on ne s'attendait pas à trouver de matière noire. Alors ils ont trouvé une courbe de rotation qui tombe, et ça on sait très bien pourquoi. C'est parce que les galaxies primordiales ont beaucoup de gaz. Elles ont 50 ou 80% de gaz. Et donc elles sont très instables, elles forment des clumps, en fait des grumeaux, des formations d'étoiles. On le voit, ça s'appelle les clumpy galaxies, des galaxies à grumeaux. Et à ce moment-là, la turbulence est telle que finalement la rotation diminue au profit de la dispersion de vitesse. Donc on a quelque chose qui est un disque qui est en qui s'évade un peu, et on s'attend à trouver une vitesse qui tombe. Et en effet, c'est ce qu'ils observent, une vitesse qui tombe. Mais c'est pas du tout dû à la matière noire. De toute façon, même si elle avait été plate, il y aurait pas eu de matière noire, puisque les galaxies massives qu'on observe à grand Z, très lointaines, il faudrait avoir du gaz H1, c'est-à-dire atomique, pour avoir une idée de la matière noire qui est très loin du centre. Mais au centre, on n'a pas de matière noire dans les galaxies massives. Donc déjà, on ne peut pas tester la matière noire. Et en plus, la chute, elle chute beaucoup plus que ce que la matière visible attendrait, en fait. Et elle chute beaucoup à cause de la turbulence du gaz. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas de matière noire, on a vraiment l'impression qu'elle existe pour vous et qu'on peut savoir où elle se trouve, où elle ne se trouve pas, alors qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Oui, tout à fait. La masse manquante, puisqu'on peut parler de problème de masse manquante, qu'on ne le résolve pas par une gravité modifiée ou par un ajout de matière noire, cette masse manquante, elle n'est jamais, lorsque la gravité est forte, elle n'est jamais en champ fort. Donc lorsqu'on a une spirale très massive au centre, on a un champ fort, il n'y a pas de matière noire. Il n'y a de matière noire que dans la galaxie naine. La galaxie naine, dès le centre, on a de la matière noire parce que le champ de gravité est faible. Donc on a des courbes de rotation qui montent. Et c'est justement les courbes de rotation qui montrent qu'il y a beaucoup de matière noire. Mais il n'y a pas de courbe de rotation plate quand il y a matière noire. Donc les vrais laboratoires à matière noire, c'est les galaxies naines. Alors pour qu'on puisse atteindre les galaxies naines à très grand redshift, c'est-à-dire très loin de nous, il va falloir des instruments très très puissants qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Donc pour l'instant, on peut tester la matière noire dans les galaxies que très localement. Et Georges Mélan. Je pense que François, ça va. Probablement raison, mais j'aimerais souligner le fait que le premier papier de Gensel concerne, je crois, 4 galaxies, mais qu'il y a un second papier de Lang où ils en ont en fait quelques centaines ou un millier. Et je crois que parmi ces galaxies, il n'y a pas que des galaxies très massives. Donc cet effet est toujours visible. Et cet effet est expliqué, peut-être de façon fortuite, par cette nouvelle théorie d'André Meder. Alors, elles sont toutes très massives et ils les stackent, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à détecter une par une. Et ils en font un paquet, si on veut dire. Mais à chaque fois, ce sont des galaxies turbulentes qui ont beaucoup de turbulences. Et le V sur sigma, quoi, enfin, la vitesse de rotation sur la dispersion est très faible et on s'y attend. Alors si on fait la somme des inconnus dans ce qui nous entoure, finalement on se rend compte qu'il y a cette matière noire et l'énergie noire, et qu'au final la matière que l'on peut voir avec nos instruments actuels, la matière baryonique, eh bien représente 5% de la matière de l'univers. Est-ce que cette conclusion, l'un et l'autre, vous pose problème, ou est-ce que c'est une banalité dans votre domaine que d'atteindre une telle part d'inconnu, peut-être François? Oui, je pense qu'on va peut-être le résoudre dans les prochaines années, mais actuellement, en effet, on a 5% de matière visible, et je dirais même au-delà, parce que la matière visible, donc de baryon, neutrons, protons, etc., on ne la voit pas. En fait, les galaxies, les étoiles, le gaz ne font que 10% de toute cette matière visible, donc 0,5% du total. Donc même la matière ordinaire est invisible. Parce qu'elle ne reflète pas forcément la lumière. Voilà, on ne sait pas où elle est. Elle n'est pas dans les étoiles, donc elle ne rayonne pas. Elle est en forme de gaz, peut-être chaud ou froid, dans les filaments cosmiques. 80% des baryons est en dehors des galaxies. On ne le voit pas. Donc dans les simulations numériques, on la met dans les filaments. On ne sait pas si c'est du gaz chaud, du gaz froid, et ça change énormément. On ne sait même pas où est la matière ordinaire. Donc c'est encore plus inconnu que ce que vous pensez. C'est pas 5%, oui. C'est 0,5% qu'on voit. 0,5%. Georges Mélan, dans n'importe quelle autre science, on se poserait des questions quand on arrive à un tel degré d'inconnu, non? Mais nous nous en posons beaucoup, malheureusement, enfin, ou plutôt heureusement. Effectivement, ne connaître qu'une infime fraction de notre univers est quelque chose d'extrêmement frustrant et qui est relativement récent, parce que il n'y a que quelques 20 ans que l'on a, en fait, grâce à l'observation de l'accélération de l'expansion de l'univers, réintroduit cette fameuse constante cosmologique et donc établi que quelque chose comme 68% de l'énergie, de la masse dans l'univers est sous forme d'énergie sombre. Mais c'est évident que c'est presque honteux de n'avoir que très peu d'explications sur le contenu de notre univers. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément de travaux qui se font pour essayer de trouver ces particules, pour essayer de trouver de nouvelles théories, pour essayer de trouver une gravitation quantique qui pourrait nous aider à élargir notre compréhension et à ne plus passer pour des gens qui se contentent de peu d'explications. Imaginez qu'un étudiant se présente à un examen en ne connaissant que 5% de son cours, ce ne serait pas acceptable. Même pas 5%. 0,5%. 0,5%, ce qui effectivement est encore moins. On peut se poser la question de l'avenir. Comment faire en sorte de sortir de cette situation? On parle là de théories qui sont quand même anciennes. On est en 2017 et la constante cosmologique dont on a parlé tout à l'heure a exactement un siècle. C'est... Bon, la constante cosmologique, c'est 20 ans. C'est la matière noire qui a... Non, je parle de la constante introduite par Einstein dans ses équations. Il l'avait ensuite désintroduite. Oui, certes, elle a changé de rôle. Elle a changé de rôle plusieurs fois. Toujours est-il qu'il y a 100 ans qu'elle a été introduite par Einstein lui-même dans son équation. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un manque peut-être théorique aujourd'hui? Théorique, je ne crois pas. Parce que les théories, elles sont multiples. Par contre, il y a un déficit d'observation. Et ça, on va le combler puisqu'on va lancer un satellite en 2021, par exemple, qui s'appelle Euclide. L'ESA va lancer ce satellite. Il est exprès lancé pour résoudre ce problème d'énergie noire et de gravité modifiée, puisque justement il y a beaucoup de théories de gravité modifiée et qui prédisent des choses différentes. Et donc cette observation de 12 milliards de galaxies va nous permettre, par des critères d'oscillation baryonique, de lentilles gravitationnelles et un certain nombre, 5 ou 6 critères comme ça, d'avoir une précision extrême, puisqu'avec 12 milliards de galaxies, on a beaucoup de statistiques. Pour l'instant, on n'a qu'un million de galaxies. Donc on a 10% d'erreurs et ça suffit pas pour départir toutes ces théories. Par contre, avec les 5 années d'observation d'Euclide, on pourra trancher et peut-être aussi d'autres instruments comme le LSST, qui aussi aura un grand champ et regardera tout le ciel, toutes les 3 semaines, comme ça, on pourra avoir... Il y a aussi un instrument qui est SKA, le Square Kilometer Array, qui regardera ça avec en radioastronomie, donc avec l'hydrogène atomique des galaxies. On aura aussi des milliards de galaxies et on va restreindre le champ des possibles, surtout, parce qu'en théorie, il y en a beaucoup, beaucoup, et on ne sait pas dans quelle direction. Alors, je dirais quand même, on a fait énormément de progrès cette année, grâce aux ondes gravitationnelles, qui ont eu un très grand écho. On a vu qu'au mois d'août, on avait observé la fusion de 2 étoiles à neutrons, et on s'est aperçu, grâce à Gamma Ray Burst, observation après la fusion des trous noirs initiales. Et là, les étoiles neutrons ont eu un phénomène électromagnétique associé. Donc, on a vu un Gamma Ray Burst, c'était un sursaut gamma, qui était juste à 1,7 secondes. Et on s'est aperçu que la vitesse des ondes gravitationnelles était la même que la vitesse de la lumière à 10-16 près. Et ça a éliminé la moitié des théories de gravité modifiée. La moitié. Bon, il en reste beaucoup. Mais quand même, ça a fait un tri énorme dans toutes ces théories. Donc voilà, c'est ça qu'on voudrait trier ces théories, il y en a beaucoup. Georges Mellon, quand on dit 12 milliards de galaxies explorées par le satellite Euclide, c'est une proportion, quelle proportion de l'univers? C'est une proportion non négligeable de l'univers observable. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir une assise statistique qui va nous donner vraiment une très forte indication sur les modèles à retenir et les modèles à éliminer. Et on passe vraiment du niveau avec des infrastructures comme Euclide, comme le SKA et comme le LSST. On passe en fait à des échelles d'échantillons qui vont vraiment nous permettre de contraindre des modèles de façon beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et puis en même temps, on aura pour l'observation alors de 5 petites galaxies le EELT qui va être le European Extremely Large Telescope qui lui aura un diamètre de presque 40 mètres de large de diamètre et donc qui sera le plus grand télescope jamais construit et qui va nous permettre d'observer de façon extrêmement précise des galaxies très éloignées, les courbes de rotation de ces galaxies et donc par échantillonnage de très petits objets en nombre avec le ELT ou de très grands échantillons avec Euclide, on va avoir des contraintes qui vont certainement nous permettre de diminuer le nombre de modèles qui sont potentiellement valables. Est-ce que toutes ces expériences, toutes ces observations peuvent conduire, théoriquement en tout cas, à cette fameuse fusion entre les deux physiques actuelles qui sont celles de l'infiniment grand et celles de l'infiniment petit, Françoise Combes? Alors là, je ne sais pas, parce que là, c'est la gravité quantique à laquelle vous faites allusion. Donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Peut-être même Euclide ne suffira pas. Il y a quand même des théories qui vont être éliminées. Peut-être la théorie de Verlinde, dont on parlait tout à l'heure, qui sont proposées. Mais là, il y a un phénomène, un concept très, très difficile à faire. Beaucoup. Il y a évidemment la théorie des cordes, par exemple, qui avait été avancée pour justement traiter le lien entre la physique quantique et qui n'a pas eu énormément de succès. Il n'y a pas de prédictivité de cette théorie. Puis elle n'est pas vérifiable, en fait. Et en plus, elle fait appel à 10 ou 26 dimensions extraordinaires. Donc, ça commence à faire beaucoup, quoi. Surtout s'il n'y a pas de supersymétrie, parce que la supersymétrie avait passé de 26 à 10 dimensions. Mais s'il n'y a pas de supersymétrie, on va retrouver les 26. Donc là, il y a un concept qui a inventé. Je ne sais pas si Verlinde ou les gens qui vont suivre dans cette direction vont le trouver. Mais il y a quelque chose de fondamental à trouver, là. Georges Mélan, ce concept qui manque pour avancer, à votre avis, tourne-t-il autour de la gravitation ou d'autres concepts, d'autres idées qui pourraient germer et qui permettraient d'unifier ces deux grands pans de la physique? Alors, j'aimerais souligner que, premièrement, la relativité générale apparaît quand même comme solide, puisqu'on a observé, un an, une prédiction qui datait de 100 ans, les ondes gravitationnelles. En même temps, il faut avancer, et je pense qu'il va y avoir des travaux comme ceux dont parlait Françoise Combes il y a quelques minutes, qui vont nous permettre, espérons-le, de faire des pas en avant dans une gravitation quantique. Mais dire ce que ce sera, c'est vraiment devoir posséder une boule de cristal. Alors on a entendu dire, quand le boson de Higgs a été découvert, que pour certains chercheurs, c'était une catastrophe, parce que cela a consolidé évidemment le modèle standard, et que peut-être certains de ces chercheurs rêvaient d'autre chose, de quelque chose qui aurait abouti à une autre théorie, un autre modèle, Françoise Combes. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens avaient des modèles sous le manteau à proposer. Et donc, ça leur a un petit peu défait leur effet. Ça leur a coupé l'herbe sous les pieds. Coupé l'herbe sous les pieds parce que le modèle standard marchait très bien. Donc là, en effet... Georges Mélan. En fait, il faut quand même souligner aussi que c'est une victoire, parce que le modèle standard marchant très bien, ça veut dire que nous ne nous trompons pas toujours. Et il y a des modèles qui sont satisfaisants, qui sont incomplets. Ce modèle standard, on le sait, n'est pas satisfaisant, mais on ne se trompe pas à tous les tournants, heureusement. Voilà, donc on est pris entre cette façon de se rassurer sur les modèles existants, et puis aussi sur le fait qu'on bute sur leurs limites sans pouvoir les dépasser. Donc en réalité, il y a deux aspect très contradictoire, Françoise Combes. Oui, tout à fait. Et certains se plaignent de cette rigidité, peut-être, des modèles actuels. C'est un petit peu terne de trouver ce qu'on avait prédit depuis 20 ans. Ah bon, bof. Donc il n'y a rien de nouveau. Quoi. Voilà, rien de nouveau. Et le comble étant cette énergie noire, cette matière noire dont on ne sait pas quelle est la nature, et que donc l'on cherche sans savoir ce que l'on cherche. Et ça, c'est quand même une situation très particulière, Georges Mélan. Tout à fait, c'est extrêmement étrange de chercher depuis bientôt un siècle cette matière sombre dont on ne sait pas la nature, et depuis 20 ans, l'énergie sombre dont on ne sait non plus, encore moins que pour la matière sombre, l'énergie sombre est encore plus étrange et peu connue. Il y a petit à petit des modèles qui nous donnent des pistes pour l'énergie sombre, mais la matière sombre, elle, a fait l'objet de quantités de recherches qui ont toutes créer des nouveaux modèles et qui s'avèrent caduques les uns après les autres. Pour revenir à l'hypothèse d'André Médère, est-ce qu'elle pourrait jouer quand même un rôle? Est-ce que le vide, finalement, a sa place dans l'avenir de la matière noire? Alors, il faudra voir, en fait, je pense qu'un test extrêmement important pour le modèle d'André Médère est celui de savoir si au niveau des formations, des grandes structures, dès le début de l'univers, la théorie de l'invariance d'échelle marche ou pas. Parce que là, ça va être un test qui va être extrêmement significatif et qui va éliminer. Il a marché jusqu'à maintenant, cette théorie. On voit pas, disons, il arrive à reproduire, en tout cas, tous les tests qu'il a investigués. Est-ce que ce sera le cas pour celui de tout début de l'univers? Peut-être que François Combe a une réponse. Et ça, c'est possible de réaliser ce test, parce qu'il y a des théories qui sont difficiles à tester, comme on l'a dit pour la théorie des cordes. Celui-là, test est faisable. Oui, c'est qu'une affaire de travail, de temps. François Combe. Tu étais très très optimiste. Je ne pense pas qu'elle vérifie tous les tests. En fait, par exemple, il part dans un de ses papiers de la température du fond cosmologique en fonction du redshift, qui prédit donc beaucoup plus basse que ce qu'on a observé. Oui. Voilà. Et donc le fond cosmologique qui est le vestige du Big Bang, donc au début on avait un univers très chaud qui maintenant est à 3 degrés Kelvin, qu'on observe en micro-ondes, donc à quelques millimètres de longueur d'onde, on a pu mesurer sa température en fonction de la distance ou du temps, si vous voulez, avec des absorptions devant les quasars. Donc on l'a fait en optique, mais on l'a fait aussi en radioastronomie, avec des molécules qui se mettent à la température du fond cosmologique. Et on a vérifié le Big Bang et la théorie standard avec grande précision. Par contre, le modèle de Médère prédit quelque chose de plus petit. Et ça ne marche pas. Alors il nous dit dans son papier, oui mais les molécules elles sont pas à l'équilibre, etc. Mais c'est pas vrai, parce qu'il nous cite même pas. On a fait des travaux en radioastronomie là-dessus, et qu'il met sous le tapis. Et ces molécules en radioastronomie, elles sont vraiment à la température du corps noir, parce que on a des molécules HCN, HCO+, qu'on a vu en absorption et qui ont un moment dipolaire très élevé et qui sont vraiment à la température du corps noir. Il ne l'a pas cité, il l'a ignoré. Et donc pourtant, ça met en défaut sa théorie. Et puis aussi, je pense, dans les courbes de rotation, il s'était forcé à avoir des courbes de rotation plates, mais elles ne sont pas plates. Dès qu'il y a beaucoup de matière noire, elles ne sont pas plates. Et ça, il ne l'explique pas du tout. Donc je pense qu'il y a quand même, même des tests aujourd'hui qui ne marchent pas déjà. Georges Mélan. J'aimerais souligner pour la le défense. Test. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais disons, je mentionne ce que j'ai lu dans les papiers d'André Malher. Et dans ce papier qui concerne le fond diffus cosmologique, il mentionne bien qu'il faut faire attention de prendre des observations qui sont corrigées, parce que quand on fait les observations, on va en fait les processer, les transformer en prenant compte des modèles cosmologiques. Et il dit bien qu'il faut faire attention de ne pas induire dans les observations des observations qui dépendraient d'autres modèles cosmologiques et qu'on comparé à son modèle cosmologique à lui. Et quand il fait les corrections qu'il dit être les meilleures, il y a un accord que je trouve relativement satisfaisant. Je dirais en conclusion, il est important que des gens prennent le temps de montrer de façon extrêmement objective si le modèle est complètement faux ou pas. Et peu importe à la fin qui gagnera, l'important c'est que la vérité émerge de toutes ces questions. François Combe, un mot de conclusion pour vous également. Oui, moi je pense qu'en effet c'est très très bien. Moi j'apprécie beaucoup André Médère, je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait, puisque en fait il est émérite et il travaille beaucoup sur les étoiles, son domaine c'est les étoiles. Donc j'estime beaucoup ce qu'il a fait, je trouve que c'est très très bien de proposer de nouvelles propositions. Mais c'est vrai que son modèle ne m'a pas convaincu entièrement, mais enfin c'est normal, parce que il y a une grande quantité de modèles qui ne m'ont pas convaincu non plus, donc c'est bien normal. Donc c'est un plus, et puis dans ce domaine finalement il y a beaucoup d'ébullition et qui ne donne pas forcément tout. Je trouve que c'est bien que les astronomes aient beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de bulles pour parfois peu d'effets. Ben voilà, ça sera le mot de conclusion. Merci à nos deux invités, donc Françoise Combe et Georges Mélan, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozin, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Hugo Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Alexandre Dang à la technique et Victor Buton au droit d'auteur. Rendez-vous demain dans la méthode scientifique où nous parlerons d'hydrogène et de l'avenir de l'hydrogène pour remplacer les carburants actuels. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Dugrain à Moundre à 18h20 sur le thème « La PAC de moins en moins commune, de plus en plus concurrentielle ». À 17h, LSD, la série documentaire est consacrée cette semaine à l'usage du fleuve. Aujourd'hui, vivre au bord du fleuve.